Mise au point. On croyait cette histoire liquidée depuis longtemps. Mais puisqu'il faut y revenir encore, précisons. Adam et Ève se promenaient dans un jardin zoologique qui avait reçu le nom d'Éden, probablement pour attirer le monde. Il n'y venait d'ailleurs personne, et il fallait avoir un certain estomac pour avoir installé un jardin zoologique dans un pays où il n'y avait que 2 habitants. Il est vrai que les frais d'installation étaient des plus minimes. On s'était dispensé de poser des grilles autour des fauves, ainsi qu'il est d'usage dans les jardins zoologiques ordinaires, où l'on tient à faire croire aux visiteurs payants que les lions et les tigres sont des animaux dangereux. Il n'y avait donc aucune espèce de grillage, ni de barrière, ni de ces étiquettes injurieuses où les loups sont traités de loups vulgaires et les panthères de panthères communes. Un muséum très intéressant, ma foi, renfermait les squelettes de quelques animaux post-diluviens. Quant aux animaux antédiluviens, ils erraient paisiblement dans les allées. Les plus remarquables étaient l'éléphant à tête de mouche, le rhinocéros écureuil, la souris à 2 bosses. On admirait aussi l'ichthyosaure, le plectiosaure et le fameux haransaure, dont il a été si souvent question, et qui n'était simplement qu'une sorte de lézard avec des pattes de hareng. Le Tout-Puissant avait été très convenable avec le ménage Adam. Il leur avait dit « Je vous donne vos entrées. Vous pourrez venir ici tant que vous voudrez. Je ne vous remets pas de ticket. Je serai à la grande porte d'entrée et je vous reconnaîtrai. Je vous connais comme si je vous avais fait. D'ailleurs, il n'y a pas de confusion possible puisque vous êtes les seuls humains actuellement sur Terre. » Vous ferez ce que vous voudrez dans le jardin. Vous donnerez à manger aux phoques. Vous vous promènerez toute la journée sur l'éléphant, le chameau ou dans la petite voiture de l'autruche. Une seule recommandation, cependant. Ne touchez pas à mon arbre fruitier. Je n'en ai qu'un et j'y tiens. Pourquoi y tenait-il ? Il ne l'a jamais dit au juste. Mais en somme, c'était son affaire. Les Adam profitèrent de la permission, et bientôt on ne rencontra qu'eux dans le jardin zoologique. Ils n'avaient aucune distraction, personne à voir dans le pays. Il fallait vraiment qu'ils manquassent de relations pour lier connaissance avec un serpent. Ils rencontrèrent le serpent qui rampait dans une allée en sifflant. Adam lui dit « Vous vous croyez donc dans une écurie ?» La conversation s'engagea. Les propos de ce couple naïf et de ce reptile désœuvré ne pouvaient aboutir qu'aux projets les plus futiles. Au bout de 15 jours de bavardage, le serpent leur conseilla de manger une pomme. Quand le Tout-Puissant s'aperçut qu'il manquait un fruit à son arbre, il fut très choqué. Non pas du fait en lui-même, auquel il n'attachait pas une importance capitale, mais simplement du procédé. Il se borna à prier le couple Adam de ne plus remettre les pieds au jardin zoologique. Tel est, ramené à ses justes proportions, cet incident dont on a tant parlé.